On a grandi dans la ZUP, de toutes les couleurs comme une boîte de dragibus. C'est vrai que dans les tubes, s'il y avait de la poudre, et ben c'était pas du sucre. La conso dans les sachets, 2-3 fraises, tagada et quelques têtes brûlées. Faut jamais que vous sachiez à quoi servent le taga et les feuilles à rouler. On a grandi dans la zone, vendu leur église. Y'avait plein de bâtiments faits en pain d'épices. Les bracelets de la police étaient des friandises. On mangeait leur coup de matraque comme des Mr. Freeze. Mais la pierre de la main d'un ennemi, c'est de la guimauve. Mais la pierre de la main d'un ennemi, c'est de la guimauve. La barbe à papa, la barbe à papa, nous on aime que ça. La barbe à papa, au prochain birthday on veut marier mon pignata. La barbe à papa, la barbe à papa, nous on aime que ça. La barbe à papa, au prochain birthday on veut marier mon pignata. Mi robe mi asia, comme un mal à barbigou. Une queue de yakuza, mais je dis ça la marre les coups. T'as déjà mélangé les mentos, c'est le coca. C'est Emma 2S, Sarah Bian, Son Gokan. J'arrive au quartier, croise une petite mini. Je lui offre un chocolat, elle veut un Tinder surprise. Yeah. Ce sera pas du gâteau si je te pitch la suite. Je l'ai abandonné pour une partie de Switch. Aujourd'hui je suis le fils de Medine, mais demain c'est Medine qui sera le père de ma soude. De lui j'essaierai de me montrer digne. J'irai chez le dentiste avec sucette dans la bouche. Tellement punché dans moi, caché comme les phrases dans les biscuits chinois. J'ai lu l'avenir de ce monde, leur dernière vision serait une barbe et des tombes. La barbe à papa, la barbe à papa, nous on aime que ça. La barbe à papa, au prochain birthday on veut marier nos pignata. La barbe à papa, la barbe à papa, nous on aime que ça. La barbe à papa, au prochain birthday on veut marier nos pignata. La barbe à papa, la barbe à papa, on veut que ça. Marine en pignata. Ah oui, on veut marine en pignata.